Divers pays ont présenté du 8 au 16 mai le rapport d'activité du comité central du maréchal Kim Jong-un, présenté au 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Le journal russe concurrent, le brésilien U-Globe, le vénézuélien Ultimas Noticias, le mozambicain Noticias, le sud-africain Pretoria News, l'algérien Saout Al-Aoural et l'angolais U-País ont illustré les photos des activités révolutionnaires du maréchal, surtout prononçant le discours au 7e congrès du Parti du Travail de Corée en présentant le résumé du rapport. Le journal russe Rossiyskaya Gazeta, le journal chinois Nouvelle de la Planète, les vietnamiens Nyonzon et Kondoi Nyonzon, le Cambodja Daily, l'indonésien Jakarta Post, le guinéen Horoya, les journaux du Congo démocratique L'Avenir, Le Potentiel et La Prospérité, le polonais Dispospolita, la télévision européenne Euronews et les sites d'internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme et du Comité national d'études des statuts justes du Congo démocratique aussi ont informé du rapport historique du maréchal Kim Jong-un sous le titre comme « Le dirigeant Kim Jong-un présente la stratégie du plan quinquennal du développement de l'économie d'État et le dirigeant Kim Jong-un présente la réunification du pays comme la tâche urgente ».